Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 63, de l'acception de personne. L'acception de personne est un péché, qui peut avoir lieu, dans la dispensation des choses spirituelles, dans les simples témoignages d'honneur et de respect, dans les jugements. 1. L'acception de personne est-elle un péché? Moïse, parlant au nom de Dieu, disait aux Juifs, « Vous ne ferez point acception de personne. » Deutéronome 1, 17. L'acception de personne est contraire à la justice distributive, qui proportionne la part des biens communs au mérite et à la dignité de chacun. Conférer un grade à un homme, non parce qu'il en est digne, mais parce qu'il s'appelle Pierre ou Martin, l'élever aux dignités civiles ou ecclésiastiques sans une raison fondée sur son mérite ou sur le bien public, mais uniquement parce qu'il est riche ou votre parent, voilà en quoi elle consiste, elle est évidemment un péché. Note. L'acception de personne n'a pas d'application dans les dons de pure libéralité. Chacun est libre de faire des largesses à qui il veut et dans les mesures qu'il veut, sans qu'on puisse l'accuser d'injustice, selon cette parole. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Prends ce qui t'est dû et retire-toi. Matthieu 20, 14. Dieu ne fait jamais acception de personne, il est maître de ses grâces. Fin de la note. 2. L'acception de personne peut-elle avoir lieu dans la dispensation des choses spirituelles? Saint Augustin, sur ce texte de Saint Jacques, vous qui croyez en la gloire de Jésus-Christ, ne faites point acception de personne, Jacques 2, 1, disait, qui n'est indigné de voir un riche occuper un siège d'honneur dans l'Église au mépris d'un pauvre plus instruit et plus saint. Les biens spirituels étant supérieurs aux biens matériels, on pêche plus grièvement dans l'acception de personne, lorsqu'on distribue les choses spirituelles, que quand il s'agit des biens temporels. Mais il faut remarquer que, pour le mérite et la dignité, les personnes s'apprécient, non seulement en elles-mêmes par les dons spirituels de la grâce, mais encore relativement au bien public. Il peut arriver qu'un homme, avec moins de science et de sainteté, soit plus utile qu'un autre au bien général, par sa puissance, par son habileté ou pour toute autre cause. La dispensation des choses spirituelles ayant surtout pour objet l'utilité commune, suivant cette parole, les dons visibles de l'Esprit Saint sont accordés pour l'utilité de tous. 1 Corinthiens 12, 7. Certains sujets peuvent, dans la dispensation des biens spirituels, être préférés, sans exception de personne, à ceux qui, absolument parlant, leur sont supérieurs. Dieu lui-même n'accorde-t-il pas parfois à des hommes de beaucoup inférieurs à d'autres les grâces que nous avons appelées gratuitement données? Note. Dans une élection, il est nécessaire d'arrêter son choix sur les sujets les plus dignes, soit absolument, soit par rapport au bien général à égalité de mérite, un prélat peut donner la préférence à ses parents, par la raison qu'il pourra compter davantage sur eux pour l'accord et l'uniformité des affaires de l'Église. Mais s'ils étaient tout à la fois en eux-mêmes et relativement ou bien comme un moins digne que d'autres, il ne pourrait pas les préférer, sans faire exception de personne. Fin de la note. 3. Le péché de l'acception de personne peut-il avoir lieu dans les témoignages d'honneur et de respect? La vertu seule mérite le respect et l'honneur, mais on peut honorer les hommes pour leur vertu propre, ou à cause de la vertu d'un autre. Nous devons des hommages aux princes séculiers et aux supérieurs ecclésiastiques lors même qu'ils ne sont pas vertueux, parce qu'ils sont, par leur dignité, les représentants de Dieu ou de la société. Nous en devons à nos parents et à nos maîtres, qui participent à la majesté de Dieu, le Père et le Maître de toutes les créatures. On honore les vieillards, en tant que la vieillesse est le signe de la vertu, et les riches, à cause de leur rang et de leur influence dans la société. Mais honorer quelqu'un uniquement à cause de ses richesses, ou pour quelques autres causes qui ne rendent pas digne d'honneur, c'est tomber dans le péché de l'acception de personne. 4. L'acception de personne peut-elle avoir lieu dans les jugements? Il n'est pas bon, nous dit l'Esprit Saint, de faire acception de personne dans les jugements. Proverbe 18:5. Le jugement est un acte de la justice par lequel on ramène à l'égalité voulue ceux qui s'en étaient écartés. L'acception de personne implique, au contraire, une certaine inégalité, puisqu'elle consiste à donner à un homme un bien qui excède son mérite. Les jugements, on le voit, sont faussés par l'acception de personne. Note. Tout jugement peut donner lieu à ce péché, car le juge détermine également et la manière dont le bien commun doit être réparti et celle dont un individu doit restituer le bien d'un autre. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.